Cette année, la Volerie des Aigles s'envole pour sa 54e saison. Le parc a rouvert le 19 mai dernier. Pour en parler, je reçois Eric Renaud, son directeur. Bonjour Eric. Bonjour. Pouvez-vous présenter la Volerie des Aigles et nous dire quels sont ses objectifs auprès du grand public? Alors, la Volerie des Aigles est un parc animalier qui présente des rapaces en vol libre. Donc, quand je dis rapaces, ce sont des aigles, bien sûr, mais aussi des vautours, des faucons, des milans, des buses, des chouettes, des hiboux, etc. Et l'objectif de la Volerie depuis 1968, c'est la date de sa création, est de restaurer l'image des rapaces auprès du public. Donc, en fait, ce sont des actions de conservation. D'abord, par l'information et la sensibilisation du public au travers du spectacle de rapaces en vol libre, mais aussi par la reproduction en captivité des espèces menacées. Nous reproduisons chaque année une cinquantaine d'oiseaux, d'espèces pour la plupart très menacées. Et ensuite, la conservation aussi par le soutien d'associations de terrain, puisque nous soutenons financièrement une association de terrain qui s'appelle SOS Faucons Pèlerins Vosges du Nord, qui, comme son nom l'indique, fait le suivi des faucons pèlerins sauvages dans les Vosges du Nord. Alors, on sort d'une année particulière. Comment vous avez vécu la fermeture? Pour les oiseaux, ça n'a pas changé grand-chose. Les oiseaux, on les a remontés comme d'habitude courant mars, comme si on ouvrait fin mars. Et on les a fait voler et entraîner tous les jours, comme si on était en spectacle. Finalement, on a ouvert que le 19 mai. Mais voilà, donc pour les oiseaux, ça n'a pas changé grand-chose, à part qu'ils n'ont pas vu de visiteurs jusqu'au 19 mai. Voilà, pour nous, après, financièrement, bien sûr, c'est un coup dur. Heureusement, il y a des aides de l'État, mais voilà, nous sommes, comme tout acteur du tourisme, très durement impactés par la fermeture anticipée et l'ouverture tardive l'année dernière et l'ouverture tardive de nouveau cette année. J'imagine que vous avez dû mettre en place un protocole. Vous pouvez me détailler ce protocole pour la réouverture ? Oui, le protocole, il est très simple. C'est qu'on a une jauge de 500 personnes environ jusqu'au 9 juin. Le port du masque est obligatoire sur tout le site, bien que ce soit à l'extérieur. On impose le port du masque à tout le monde. Voilà. À part ça, il n'y a pas de consigne particulière. Les visiteurs peuvent venir sans réserver. C'est très rare qu'on atteigne la jauge. Donc, si les visiteurs viennent en avance, ils sont après sûrs d'avoir de la place. J'imagine que vous avez peut-être programmé certains rendez-vous particuliers à ne pas manquer. Vous pouvez m'en dire plus ? Oui, alors le prochain, c'est le dimanche 13 juin. Nous ouvrons toute la journée. Il y aura des animations thématiques sur les oiseaux. Il y aura une animation sur le château de Kinsems. Et puis, il y aura bien sûr la terrasse qui sera ouverte avec barbecue, tout ce qu'il faut pour recevoir les visiteurs toute la journée. Et alors, justement, vous m'avez parlé du cadre avec le château de Kinsems. Pouvez-vous m'expliquer un peu l'histoire de ce château? C'est un cadre particulier? Alors, le château de Kinsems est une ruine médiévale, comme il y en a beaucoup en Alsace. Elle date de toutes les époques, on va dire, du 12e au 17e siècle, puisqu'il y a eu plusieurs destructions et reconstructions. Mais c'est une ruine qui est en très bon état. Il y a une chapelle qui est en très très bel état, qui a été restaurée d'ailleurs récemment. Voilà, donc la visite du château est assez intéressante. Il y a plusieurs salles, plusieurs pièces, etc. Et le château, en plus, a l'avantage d'être sur un promontoire qui domine la plaine. Donc, pour les oiseaux, c'est un très très beau point de départ pour faire des grands vols au-dessus de la plaine et revenir. Et alors justement, parmi tous les oiseaux, lequel vous fascine le plus, vous impressionne le plus ? Bon, moi, j'ai pas de préférence, je les aime tous, évidemment. Les aigles sont les plus majestueux, les plus puissants, les plus beaux. Voilà, les vautours sont les plus intelligents, les plus dégourdis. Voilà, ils ont chacun leurs spécificités, leurs atouts. Je n'ai pas de préférence particulière. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ? Vous pouvez nous le dire ? Oui, je vous conseille bien sûr les visiteurs déjà à consulter notre site internet www.voleriedesaigles.com pour toutes les infos pratiques comme les horaires qui peuvent changer à cause des problèmes sanitaires. Les horaires ne peuvent évoluer au cours de la saison, donc c'est ça que j'invite les visiteurs à voir notre site avant de venir pour être sûr des horaires. Et nous sommes bien sûr sur Facebook et sur Instagram. Je vous remercie Eric Renaud d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis vous pouvez tous vous rendre à la Volerie des Aigles pour y être déjà allé. C'est un endroit magnifique.